Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Marguerite Duras, vous avez entendu parler quand même. Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Mais c'est vrai, quel étrange cri, enfin, Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou. Notez que tout n'est pas mauvais dans le nucléaire. C'est une source d'énergie. Sans énergie, on pourrait pas s'éclater. Sans pile, on perd la face, hein, y a pas de doute. Tiens, à propos de pile. À propos de pile, permettez-moi de vous raconter une anecdote totalement authentique dont je fus naguère le triste héros. J'insiste sur le fait qu'elle est authentique parce que c'est à peu près son seul intérêt. Hein. Non, je veux dire qu'il s'agit d'une anecdote relativement ennuyeuse dont on pourrait, à l'extrême rigueur, tirer une morale dont l'utilité ne m'apparaît cependant pas évidente. Enfin bon. Ce jour-là, j'étais en train de me raser, moi aussi, quand soudain... Oui, là, je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à essayer d'éveiller votre intérêt de façon à peine honnête, dans la mesure où c'est en vain qu'on pourrait tenter de déceler la moindre trace de soudaineté dans l'action qui va suivre. Quand soudain, je me dis, tiens, j'écouterai bien la radio. Or, tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, on voit tout, là. Figurez-vous que les piles de mon poste à transistor étaient mortes. Bon. Alors moi, ne faisant ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni rien du tout, je me rends chez l'épicier dont les chopes jouxtent mon logis. Et je dis, bonjour monsieur l'épicier. Et l'épicier dit, bonjour, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait? Alors il dit qu'il voudrait des piles. Alors l'épicier dit, ah, ben il n'y a plus de piles, il veut pas des belles bananes. Alors il dit que non, il dit qu'il veut pas des belles bananes, il dit qu'il veut des piles. Ah, ben il n'y a plus de piles. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr, j'alors. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je m'empare d'un lot de 4 piles sous film plastique. Et je me rends vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les 4 inséparables éléments de batterie et dis à la vendeuse subexistante qui trônait là sur un tabouret de style fin René Coty début Charles de Gaulle. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Ça nous fait 22 francs. Tiens, c'est un alexandrin, ça. Non, mais le... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Hein? Ça serait peut-être moins chiant si je vous la faisais en alexandrin, mon histoire, non? Bah, tu te marres, mais tu sais qu'avec un texte en béton comme ça, on fait une comédie musicale, comme on veut. Hein? Quoi? Non, mais tu vois... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir... D'un soupir agacé. C'est pas une soirée de mélomane. Donc, qu'est-ce qu'elle glapit-elle pas au sortir d'un soupir agacé? Ça nous fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur averti et jaloux de ses droits. À telle enseigne qu'avant d'acheter 50 millions de consommateurs ou que choisir, je les fais préalablement peser l'un et l'autre par mon libraire avant de me décider pour celui des deux qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix. Or donc, avec un regain de nonchalance sadique, destiné à faire sortir la léthargique en blouse de ses gonds encrassés, je dépose sur sa caisse, non pas 22 francs, mais 11 francs, et je réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous m'embêtez à la fin, j'ai pas que ça à faire, m'en dit-elle effrontément. Puisque je vous dis que ces piles-là sont vendues par 4, ça nous y fait 22 francs. Je vous demande pardon, mademoiselle, je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon, eh ben, j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! hurla-t-elle en ameutant tout le magasin dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu, alors que mon père toujours pas. Les clients alentours faisaient maintenant le cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Raymond, petit chef de tweed à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit « Eh bien, que se passe-t-il ? Mais c'est monsieur Deborche, eh bien, que se passe-t-il ? » Prenant alors à témoin la foule attentive, je récitais fermement la loi qui était de mon côté, en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con, sachant que d'une part j'avais parfaitement raison, et que d'autre part les gens sont toujours du côté de Guignol. Il préleva 2 piles du paquet de 4 et me les tendit solennellement en échange de mes 11 francs. Puis il s'en fut magnifique et serein, comme un petit Salomon de prise unique. Pour ma part, je quittais le magasin sous les ovations délirantes des ménagères, après avoir généreusement pardonné à la caissière repentante. Rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste à transistor pour y mettre les 2 piles. Il en fallait 4 !